À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les diplomates à la représentation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Corée ont déposé le 3 juillet une corbeille de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage.